sentais tes mains glisser. J'avais beau les serrer fort, mes muscles tétanisés. Tu glissais, je voyais le vide qui ouvrait sa bouche sous tes pieds. Tu avais le vertige et moi je paniquais. Je ne te laisserai et pas tomber. Si tu tombes, je tombe avec toi. À la force du désespoir, j'ai réussi à te remonter sur le bout du toit. Et j'ai glissé, et le corps suspendu à de longs mètres du sol, j'ai entendu tes sanglots, et moi je paniquais. Ne me laisse pas tomber et retiens-moi. Ne me laisse pas tomber, mais tu t'en vas. Je n'ai pas besoin de toi, tu ne t'es jamais inquiété pour moi. Que je tombe, tu t'en moques. Mes doigts glissent, et je ne vois plus que le ciel. Sans ton visage, ton vertige, que je tombe, je m'en moque. Que je tombe, je m'en moque.